Dimanche 9 septembre, 19h30, un dimanche en promenade. En promenade, cet après-midi, je fais la connaissance de Jean-Marie. Ce grand bonhomme, la cinquantaine, qui est intervenu la veille en s'adressant à Tommy, suffisamment fort pour que je l'entende, et que les autres l'entendent aussi. Il ne faut pas juger, tu sais. Il est plus grand que moi, il me dépasse presque d'une tête. Il se porte bien, se tient bien droit, habillé comme s'il sortait du bureau. Il dénote dans le paysage, avec ses pantalons de tergale, sa chemise nylon repassée et boutonnée, ses chaussures de ville. Il ne lui manquerait plus que la cravate et la serviette de cuir. Je l'ai observé hier après-midi et ce matin dans la cour. Il passe une partie de son temps à marcher, à faire des tours, à pas presser, seul, ou en compagnie d'autres détenus. L'autre partie du temps, il est assis à discuter ou bien à écrire. Il est toujours très entouré, c'est un personnage important du quartier des isolés, à n'en pas douter. Il parle à tout le monde et chacun vient le saluer. Je profite qu'il marche pour lui emboîter le pas. Nous marchons de conserve, pendant près de 2 heures. Momo la Quaiole est là, Momo, mon nouvel ami des Baumettes. Il se joint à nous et nous randonnons ainsi à trois. C'est en marchant qu'on a le plus de choses à se dire. Chacun parle de ce qui l'intéresse ou le préoccupe. On paie les papettes, et aussi, on se tait. Nos conversations se croisent, et parfois, se rejoignent. J'ai appris, ou plutôt je fais l'apprentissage de l'usage de la parole ici, savoir dire et ne pas dire. Je dois surtout apprendre à faire confiance. Cela sera peut-être le plus difficile. Jean-Marie est un homme fort occupé. L'été finissant, ses activités vont bientôt reprendre. Cela fait une année qu'il est incarcéré, en détention provisoire lui aussi. Une détention provisoire, je m'en rends compte, qui peut durer longtemps. Depuis, il a appris ici à occuper son temps. Il me fait la liste des ateliers et des activités auxquelles il participe. Dans quelques jours, me dit-il, il n'aura presque plus de temps pour descendre en promenade, tant il a de choses à faire. Entre autres, il me parle de l'activité sport. J'apprends ainsi qu'il y a une salle de gym où les détenus comme nous peuvent aller s'entraîner. Ça ne figurait pas dans le guide de bienvenue. Je plaisante. Pour nous, ceux du deuxième nord, c'est-à-dire les isolés, nous n'y avons droit qu'une seule demi-journée par semaine. Dans les autres quartiers, ils ont 2, peut-être 3 demi-journées. Mais c'est déjà assez bien pour nous, rajoute-t-il, avec philosophie. Momo la Quaiole me confirme. Lui aussi est inscrit à la salle de sport. C'est calme. Le surveillant chargé de l'activité est sympathique. L'ambiance est bonne, ceux qui y vont, c'est pour faire du sport. En plus, me dit-il en souriant, la douche est formidable, c'est propre, l'eau est chaude et on peut y rester tant qu'on veut. Il n'y a qu'il reste plus d'une heure. Jean-Marie m'explique comment faire pour s'inscrire. Il me faut faire un courrier. Soit, je ferai le courrier. Je lui dis, explicitement, s'il veut bien appuyer ma demande. Il parlera de moi au surveillant moniteur. Je devine que c'est aussi comme ça qu'ici ça fonctionne. Jean-Marie me parle aussi de l'école, et m'invite à y venir, la rentrée est prochaine, dans quelques jours à peine. Là, j'hésite, qu'aurais-je à y faire, qu'aurais-je à y apprendre? Que ferais-je assis sur un banc avec des bonhommes ne sachant, pour la plupart, ni lire ni écrire? J'y réfléchirai, plus tard. En tout cas, pour le sport, je suis partant. J'ai besoin de me prendre soin de moi. Si ce n'est moralement, pour cela, j'attends l'œuvre de la justice, si ce n'est, psychiquement, j'espère encore un rendez-vous avec un psy, au moins physiquement. Cet après-midi est étonnamment calme. Comme par un beau dimanche, un après-midi de campagne. Dans la cour, nous sommes une majorité de vieux, tous presque de mon âge. Pardon, je dois dire, d'anciens. Je regagne ma cellule soulagée et détendue. Patrick me sourit. À mon récit, je sens que lui aussi est rassuré. Ça va, maintenant, tu as passé le plus dur. Ah bon, ce n'était que ça? Je pensais que l'épreuve commençait à peine. Demain sera un autre jour.